mot sur l'instru, je représente entrée. Profite de l'intro pour appeler à ta santé. Reviens en 2009, les jaloux vont regretter. J'apporte du sang neuf, non non j'ai pas arrêté. Nouvelle saison, y'a mot sur le beat. J'avais raison, le rap m'habite. Qu'est-ce que tu croyais, que j'étais plus là? Je reviens désolé, si tu m'aimes pas. Garçon pour longtemps, représente ta MIFA. Personne n'est content, je vais péter les quotas. J'avance fièrement, je poursuis ma lancée. J'ai prêté serment de toujours avancer. Va toujours la feuille et la plume mélancolie. Perpétuelle c'est deux fois plus d'amertume, c'est devenu une coutume. On rappe sur toutes les coutures. Mes rimes, mon flow en guise de point de suture. Pour Julien Tonino, je dédicace au micro. Je dis cash, j'ai l'écho, mon poteau, j'ai la hâte. Et vite t'as dit que je t'ai pas. Hier, mauvais du dégât. Comme mes signes dans une caisse d'épargne. Désormais, j'ai plus le poteau, j'ai la lucarne. Hier, mot sur l'instru, je représente entrée. Profite de l'intro pour appeler à ta santé. Reviens en 2009, les jaloux vont regretter. J'apporte du sang neuf, non non j'ai pas arrêté. Pierre mot sur l'instru, je représente entrée. Profite de l'intro pour appeler à ta santé. Reviens en 2009, les jaloux vont regretter. J'apporte du sang neuf, non non j'ai pas arrêté.